ODT. Elvis. Des halos, pas des hauts, le moi, la défense de gauche, je la connais pas, mais c'est pas la guerre des gangs à part les Corleone. Si c'est à la cour des grands, le rap c'est coréen, m'stator et rap comme avoir du shit ou de la coke planqué dans la cour d'école. Finir à parler seul, à vomir sur le sol, ou regrette de finir sous les scènes, à dormir sur des sommes, où l'on convertit tout en shit, où tout s'achète, où tout se pique. Est-ce que tu crois qu'à 12 pichets, tout ceci que ferait nous tous des hommes? Ça nous bousille les nerfs, nous raccourcir les airs, associer des airs, à si c'était des aides, à s'en sortir des selles. Rêver les morts, c'est créer les meutes ou créer les modes. Quel est le but? Traverser le mur du son dans ces sociétés de l'heure. Alors dis-leur que c'est de là en bas, mais pas 10 pattes de là pendant que le dealer fait son beurre en dollars. Le rimeur fait son buzz en dotan au total. Le méditateur commanditaire comme un leader en Angola. Veo gente muerta, despierto tocan las puertas. Son señales de alerta que mi alma detecta algo afecta. Mi cuerpo se inyecta de sensaciones y emociones. No habrá cura porque oscuras suelen ser estas visiones. La luz ya no alumbra la cruz. A tú sí que tienes algo que mantiene tus bienes. Serán tus seres que te dan dinero y amor. No busco glamour, soy del sur, sudamericano insano. Desde chico profano tú vas con mis hermanos. Nunca estoy en paro porque vivir sale bien caro. Que te quede claro, aún insistes, la guerra declaro. Soy un piloto de moto sin foco. Solo una Rusia me relaja chupando mis cocos. Me sacan fotos papanazis cuando estoy pateando nazis. Luego me subo al taxi, perro muerto así de fácil.